Notre étude, on a vu ensemble qu'à partir du chapitre 12, Dieu, ou l'apôtre Paul, commence à nous parler d'une façon très pratique. D'une façon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, ou comment on devrait réagir à tout ce qu'on a entendu dans les 11 premiers chapitres? Les 11 premiers chapitres ont été appelés par l'apôtre Paul, au verset 1, « les compassions de Dieu ». Les compassions de Dieu. Quelqu'un qui est compatissant. Quand nous perdons notre zèle, quand nous perdons notre motivation, c'est parce que, je vous le répète encore, c'est parce que vous êtes en train de vous regarder le nombril. Vous regardez aux événements de la vie au lieu de regarder à Dieu lui-même. Vous savez ce que l'apôtre Pierre a fait quand il a commencé à regarder les vagues? Quand il a commencé à regarder les vagues et de regarder le vent, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a calé, il a coulé. Quand il regardait Jésus, il marchait. Il marchait. Et souvent, dans ma propre vie, quand je suis dans un désarroi ou quand je suis troublé, c'est parce que je m'arrête à moi et à ce qui m'entoure, aux événements, et là, ça me trouble. Et si par l'Esprit de Dieu, on lui fait la grâce de nous arrêter et de regarder à ce que Dieu est en train de faire et qui Dieu est, la vie redevient belle. La vie redevient belle. On va lire des versets juste pour vous montrer que Dieu est rempli de compassion pour vous et pour moi. Quand vous entendez le mot « compassion », à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Quelle image que vous avez de compassion? Quelqu'un qui compatissait, à quoi vous pensez? Pitié, oui, c'est un bon synonyme. Il comprend ce qu'on vit, oui, compatissant à ce qu'on est en train de vivre. Se met à notre place. Moi, je vois quelqu'un qui est sur le bord et qui se penche pour venir voir qu'est-ce que j'ai. Que je suis dans un pétrin quelconque, puis là, il se penche, il est compatissant. Il arrête pour, quand il me voit. Il veut faire de quoi pour moi? Il sait ce que je vis et il est compatissant. Dans la Bible, il y a le mot « ému de compassion » qui revient souvent. Dieu s'arrête, il vous regarde et me regarde, moi. Mais il ne tient pas compte de ce que je fais ou je ne fais pas. Il me regarde et il me voit. Il a de la compassion pour moi. Il a de la compassion pour mon état dans lequel je suis. Parce que je ne suis pas comme il voudrait que je sois. Lui, ce qu'il voudrait que je sois, c'est qu'il voudrait que je sois dans le paradis, parfait, comme Adam et Ève étaient au début. C'est ça qu'il aimerait que je sois. Mais je ne suis pas dans cet état-là, présentement. Mais c'est ce que lui voudrait. Donc, à cause qu'on souffre, à cause qu'on pleure, à cause qu'on a des difficultés de mariage, de santé, de finances, de tout ce que vous voudrez, causé par nos propres péchés, parce que c'est le bordel à cause de nous, les êtres humains, c'est pas le bordel à cause de lui. Lui, il nous avait mis dans le paradis. Et nous, dans notre folie, on a sorti du paradis à cause de nos péchés. Et là, Dieu nous regarde en dehors du paradis, puis il y a de la compassion de nous voir là. De la compassion. Si vous voulez lire, s'il vous plaît, les versets, chacun à votre tour, je vais les nommer pour ceux qui écoutent la cassette. Je vais nommer le passage et vous pouvez lire chacun à votre tour ceux qui voulaient lire un verset. Dans Daniel 9, 18. Remarquez bien ce qu'il dit. Daniel, il dit, ce n'est pas à cause que je mérite quoi que ce soit. Ce n'est pas à cause de ma justice que je te prie. Mais je sais une chose de toi. Tu es un Dieu compatissant. Tu vois la misère dans laquelle, tu vois les ruines de la ville. Daniel savait très bien que c'était leur faute s'ils t'ont rendu là. Ils savaient très bien que c'était leur faute si la ville de Jérusalem était en ruine. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais je ne te prie pas à cause de ce que nous disons, on est correct. Je te prie parce que je te connais. Tu es un Dieu compatissant. Fait que peu importe pourquoi tu es rendu ou ce que tu es rendu. L'important, ce n'est pas de savoir pourquoi tu es rendu là. C'est de savoir que Dieu est compatissant quand même à ce que tu vis. Matthieu 9, 36. Matthieu 14, 14. Matthieu 15, 32. Marc 1, 41. Marc 6, 34. Marc 8, 2. Luc 7, 13. Luc 10, 33. Et dans Luc 15, 20. Dans son dernier verset, c'est l'exemple du père de l'enfant prodigue. Cet enfant qui avait rejeté son père, cet enfant qui avait pris sa part d'héritage et qui était allé la dépenser avec les prostituées et les gens de mauvaise vie, dans l'ivrognerie. Aujourd'hui, on dirait dans la drogue, dans tout ce que vous voulez. Mais son père était ému de compassion. Son père ne lui fait pas de reproches. Son père est ému de compassion. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, chapitre 12, je veux dire verset 1, il dit, « À cause des compassions de Dieu, à cause que Dieu était compatissant pour vous, voici le résultat que ça devrait avoir dans votre vie. » Quand vous avez de la difficulté, quand j'ai de la difficulté à fonctionner, il nous faut retourner et repenser, méditer sur les compassions de Dieu. Et ça va nous donner la capacité de continuer, d'aller de l'avant. Ça va nous pousser à louer Dieu, malgré que tout nous semble noir. Parce que quand ça semble noir, c'est parce qu'on ne regarde pas à bonne place. Si on regarde à bonne place, ce n'est pas noir. Les compassions de Dieu ne sont pas noires. Les compassions de Dieu, c'est plein de lumière, d'amour, de grâce, de bonté. On a parlé la semaine passée que les compassions de Dieu vont nous pousser à avoir des passions. Les compassions nous poussent, nous, à avoir de la passion. Et la première passion qu'on a vue ensemble la semaine passée, c'était la passion pour Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Romains, versets 1 et 2. On va avoir de la passion, premièrement, pour Dieu. On va être des passionnés de Dieu. On va vouloir être avec Dieu. On va vouloir vivre avec cet être qui est tellement fait pour nous. Remarquez, quand Jésus fait du bien à quelqu'un dans les évangiles, si Jésus guérit un malade, ou que Jésus fait du bien spirituellement à quelqu'un par ses paroles, ou que Jésus donne à manger à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils veulent le suivre. Peu importe, ils laissent tout tomber et suivent. Peu importe ce que les autres disent, ils suivent. Ils veulent suivre cet homme qui leur a fait tellement de bien. Ils ne suivent pas pour ce qu'ils vont avoir. Ils suivent pour ce qu'ils ont reçu. Pour ce qu'ils ont reçu. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, ce que nous avons reçu est bien plus grand que ce que nous allons recevoir. Vous avez bien compris? Ce que nous avons reçu est beaucoup plus grand que tout ce que nous allons recevoir. Parce que ce que nous avons reçu, c'est La vie éternelle, une relation avec Dieu pour l'éternité, c'est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre. Nous sommes des passionnés de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde, renouvelez votre intelligence. Cet renouvellement d'intelligence va vous permettre de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vu qu'on est des passionnés de Dieu, on veut connaître sa volonté, on veut être avec lui, on veut le suivre, lui. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas pousser les chrétiens, parce que je prends pour acquis que les chrétiens courent vers Dieu, veulent aller vers Dieu. C'est leur désir profond. Tout ce qu'on a à faire les uns avec les autres, c'est de nous diriger mutuellement les uns avec les autres. Hey, gars, Jésus par là-bas, puis on va y aller. On n'a pas besoin de se donner des coups de pied dans le derrière chacun de nous autres parce qu'on est des passionnés de Dieu à cause de ses compassions pour nous. Mais ce matin, ce qu'on va aller plus loin, c'est qu'on va aller, deuxièmement, ce qu'on va voir, c'est que ceux qui méditent sur les compassions de Dieu vont être des passionnés pour le peuple de Dieu. Ils vont être aussi passionnés pour le peuple de Dieu. Parce que c'est facile de dire « j'aime Dieu, je suis un passionné de Dieu ». Mais ça va se voir comment? Ça va se voir, ce qu'on va voir ce matin, par la passion que nous avons pour le peuple de Dieu. C'est ce que les apôtres disent. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes frères et sœurs? On peut s'évaluer comme ça. Si j'aime Dieu, je vais aimer les enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Ici, il dit que ceux qui sont passionnés pour Dieu sont aussi passionnés pour le peuple de Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons observer dans les versets que nous allons lire à partir du verset 3 dans l'Épître aux Romains. Verset 3, l'Épître aux Romains, au chapitre 12. On peut lire chacun deux versets, s'il vous plaît. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a dispensée à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Et si nous, notre égard, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres de l'un des autres. Et nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est la prophétie que nous soyons en accord avec la foi. Et celui qui établit le ministère s'attache à son ministère, et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, c'est celui qui donne le pas avec liberté. On va arrêter là pour le moment. Il dit, premièrement, que tout ce que nous allons faire les uns pour les autres, nous devons le faire dans l'humilité. Dans l'humilité. Quelqu'un de humble, ce n'est pas quelqu'un qui marche la tête basse, qui est mal habillé, qui a un vieux char et une vieille maison. Ce n'est pas quelqu'un de humble. C'est pas ça que ça veut dire l'humilité. L'humilité, c'est quelqu'un qui sait comprendre les choses de la vie ou faire comprendre sa propre personne comme Dieu les comprend. C'est quelqu'un qui se voit comme Dieu le voit. Pas plus haut, pas plus beau. Ce n'est pas à cause qu'on se déprécie qu'on est humble. Non, il faut se voir tel que Dieu nous voit. Si on se voit tel que Dieu nous voit, on est humble. On est humble. Et l'apôtre Paul nous dit ici que cette passion va se manifester, la passion pour le peuple de Dieu, va se manifester par l'exercice des dons que Dieu nous a donnés. Chacun, il dit, a une mesure de foi différente par la grâce dont l'humilité est de mise. Quand l'apôtre Paul parle ici d'une mesure de foi, il ne parle pas qu'il y en a qui ont plus de foi les uns que les autres. Parce que dans le contexte, il va nous parler des dons. Ce qu'il est en train de dire, chacun a reçu de Dieu des dons différents. Une mesure de foi, ça veut dire une façon d'exprimer sa foi, de montrer sa foi avec des dons différents. Je ne crois pas personnellement qu'il y en a qui ont plus de foi que d'autres. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. On la reçoit le jour de notre salut, pour être sauvé. Si Dieu ne vous donne pas la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. La Bible dit ça dans Éphésiens 2. Hein? Le don de Dieu, c'est la foi. La foi, on reçoit. On ne vient pas au monde avec la foi. Il faut que Dieu vous la donne. Donc, quand il la donne, il la donne à tout le monde. Mais il ne la donne pas en quantité différente, mais de manifestations différentes. C'est ça qu'il parle ici. Mais ce qui est important, c'est que peu importe le don que tu as, il faut que tu l'exerces avec humilité. Vous savez le problème de l'Église de Corinthe? Le problème de l'Église de Corinthe, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Chacun pensait que les dons qu'il avait étaient plus importants et plus grands que le don de l'autre. Celui qui avait le don de présider l'Assemblée, il pensait qu'il était plus grand que celui qui faisait le ménage pour que l'Assemblée vienne à la réunion. Celui qui avait des dons de parole, il pensait qu'il était plus important que celui qui avait les dons de servir. Celui qui avait les dons de parler en langue, il pensait qu'il était plus important que ceux qui n'avaient pas les dons de parler en langue. Il se pensait plus spirituel que les autres. Ceux qui avaient le don de prophétie pensaient peut-être qu'ils étaient plus grands que ceux qui avaient les dons de miséricorde, de libéralité. Ils étaient orgueilleux de leurs dons. Ils étaient tellement orgueilleux qu'ils disaient, « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'un autre. » Ils étaient orgueilleux même du leader qu'il y avait. Et l'apôtre Paul leur dit, « Vous ne devriez pas faire ça. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Il dit, peu importe quel don que tu as, peu importe la mesure de foi que Dieu t'a donnée, n'oublie pas que tu l'as reçu. Donc, tu ne devrais pas être orgueilleux de ça. Si tu as un don particulier, tu n'es pas plus important que l'autre qui a une autre sorte de don. Il nous dit ici que nous avons un corps. Quelle partie du corps est plus importante? Aucune. Parce qu'aucune, si une partie du corps n'est pas là, le corps va être moins fonctionnel. Nous avons tous... Il nous compare, un est une main, l'autre est un bras, l'autre est un cou, l'autre est un œil, l'autre est une jambe ou un pied. Il dit, quand on les met tous ensemble, hein, ça forme un corps, c'est un tout. Il va dire plus loin dans Corinthiens, il dit, la main ne peut pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. Ou le bras ne peut pas dire à l'épaule, je n'ai pas besoin de toi. Si tu mets la plus belle des mains, la plus belle main de l'Assemblée ici, si on la met sur la table, elle ne fera pas grand-chose. Il faut que la main soit attachée au bras. Et le bras à l'épaule, et l'épaule au cou, puis le cou à la tête. Parce que sans ça, cette main-là ne fonctionnera pas. Chacun de nous, si on se sépare les uns des autres, nous ne fonctionnons plus. C'est pour ça que les chrétiens n'ont jamais été faits pour vivre seuls. Ils n'ont jamais été faits pour vivre seuls. Ils ont été faits pour vivre dans une assemblée, dans un corps. Sans ça, on ne fonctionne plus. Et même le plus spirituel du groupe va finir par arrêter de fonctionner s'il est tout seul. J'ai vu des gens très, très impliqués dans des églises et à cause de certaines difficultés dans l'église, ont quitté l'église. Ils étaient très fonctionnels, mais après quelques temps, ils sont devenus très dysfonctionnels. Parce qu'ils n'étaient plus liés au corps. Ils étaient séparés du corps. Chacun a sa fonction dans le corps. Je me demandais cette semaine combien d'entre nous savaient quelle fonction à jouer. Sais-tu quelle fonction tu as dans le corps? Parce que Si tu as une main et tu veux jouer le rôle d'un pied, ça va aller moins bien. Et si tu es une main et que tu es en train de, parce que le pied tout d'un coup ne fonctionne plus bien, tu commences à marcher sur les mains, tu vas faire un bout, mais ça ne sera pas pareil comme si tu marchais sur les pieds. Chacun doit découvrir, si je peux dire ainsi, c'est quoi ma fonction dans le corps? À quoi est-ce que j'ai été appelé? Quel rôle est-ce que j'ai, moi, dans le corps? Parce que c'est de certaine importance, parce que des fois, il y a des gens qui veulent tout faire dans le corps, mais ils font tout de travers. Parce qu'ils n'osent pas le rôle qu'ils ont été, on leur a donné de fonctionner dedans. Si je fais le rôle qui m'a été donné par Dieu, pensez-vous que je vais fonctionner mieux? Je vais être plus utile aussi pour l'Église. Je vais être plus utile pour mes frères et sœurs. Fait que des fois, si vous venez me voir, vous dites, François, veux-tu faire ça? Ça se pourrait fort bien que je vous dise non. Parce que je ne vois pas que c'est mon rôle. Je ne vois pas que c'est mon rôle. Je suis obligé de refuser parce que si je commence à jouer le rôle du pied puis que je suis une main, je n'aurai pas le temps de faire ce que la main devrait faire. Et j'ai été appelé à être une main. Donc, moi, en tant que main, je dois aider le pied à faire son rôle et non pas prendre le rôle du pied. Et des fois, on voit ça dans l'Église. Il y a des gens qui veulent prendre le rôle d'un autre parce qu'ils pensent que le rôle de l'autre peut être plus visible, plus valorisant, plus, comment je dirais ça, il paraît plus dans l'Assemblée. Faites-en pas. L'herbe n'est jamais plus verte dans le champ du voisin. Si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est là que tu vas être bien et heureux. Mais si tu veux avoir la place d'un autre, tu ne seras jamais heureux vraiment là. Tu ne seras jamais heureux. Et la plupart du temps, tu vas causer des problèmes aussi. Parce que tu n'es pas à ta place. Et c'est pour ça que c'est bon de demander de s'arrêter et de dire, comment est-ce que je peux trouver, ou qu'est-ce que je peux faire pour trouver ma place dans le corps? Et de fonctionner là, et d'être capable de dire oui ou non. Et quand on sait aussi quel don, moi si je sais quel don vous avez ou quelle capacité vous avez, ça me permet en même temps de travailler en fonction que vous autres. Si je veux quelque chose qui doit être fait, ben, je vais le confier à quelqu'un qui a la capacité de le faire. Je ne peux pas le confier à quelqu'un qui n'a pas la capacité de le faire. Et c'est pas facile aussi de faire la différence entre vos talents naturels et les dons spirituels. Pas évident, il fallait les différences. Je remarque que ceux qui étaient, avant d'être chrétiens, qui étaient des enseignants, souvent, ils sont dans l'Église, puis ils ont aussi le rôle d'enseignant. Et les gens qui avaient des dons de service, ou des talents de service dans le monde, souvent, c'est les mêmes gens qui ont les dons de servir dans l'Église. Ma femme avait un don de service, bien avant d'être chrétienne. La preuve, c'est qu'elle était serveuse dans un restaurant. Puis elle aimait ça à planche. Moi, ça me pue au nez. Demande-moi pas d'aller servir dans un restaurant parce que ça se peut bien que les gens reçoivent les assiettes sales. Parce que je n'ai pas de patience dans ces choses-là. Je n'ai pas de capacité dans ces choses-là. Je ne me sens pas attiré du tout par ça. Du tout, du tout. Je ne me sens pas attiré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire une fois de temps en temps, ça passe de même, puis il y a un vide un matin, tu le fais, oui, c'est correct. Je parle de faire ça à long terme. C'est pas moi. Mais remarquez bien que le don que vous avez reçu, écoutez bien ça, le don que vous avez reçu n'est pas pour vous, mais pour le corps. Le don que tu as reçu n'est pas pour toi, mais pour le corps. La main n'est pas là pour elle-même, elle est là pour l'ensemble du corps. Si j'ai un don d'enseigner et que je me ramasse tout seul dans le fond du bois, qui est-ce que je vais enseigner? Tu vas regarder dans le miroir et m'enseigner? Si j'ai un don d'enseigner, il faut que je me retrouve avec les chrétiens et les enseigner. Je n'ai pas le choix, ça fait partie de ça. Si j'ai un don de servir, il faut que je sois avec les autres chrétiens pour les servir. C'est pour le corps que je l'ai reçu. C'est pour le corps. Donc, ça nous rend dépendants les uns des autres. J'ai remarqué, les membres d'un corps sont tous au service des autres parties du corps. Nous sommes interdépendants. Et on dit souvent, la chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Il peut avoir une grosse chaîne d'un demi-pouce, mais si tu mets au milieu de la chaîne une petite maille qui a juste un 8, la chaîne est aussi forte que cette petite maille-là. Donne un coup, elle va casser. Votre vie spirituelle et ma vie spirituelle dépendent de vous. Et vous autres, vous dépendez de moi. On est interdépendants pour grandir dans la foi. Faisons attention à comment on se traite mutuellement parce qu'on a besoin les uns des autres pour fonctionner. C'est pareil comme si on est dans une équipe, on est après un gros câble puis on tire. Vous savez, les tirs au câble, là, c'est ça qu'appelle ça un tir au câble? Vous avez 10-12 gars qui tirent sur un bord puis 10-12 gars qui tirent sur l'autre bord. Si moi, je suis dans l'équipe, si je commence à enfarger ceux qui tirent avec moi, mais je me fais du tort moi-même. Je me fais du tort moi-même. Et quand on fait du tort à quelqu'un qui fait partie de l'Église, on se tire d'un pied. Parce qu'on a besoin de ces frères et sœurs-là pour fonctionner. Tu ne peux pas être plus grand. Puis dire, moi, là, je suis à un niveau spirituel haut de même ici, puis toute l'Église est ici en bas. Toute l'Église est tellement charnelle. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Je dis souvent, les gens qui viennent se plaindre que l'Église est froide, c'est souvent des glaçons. Sur les glaçons. Ceux qui bouillent disent jamais qu'il fait froid. Disent jamais qu'il fait froid. Regardons ensemble, ils ont nommé combien de dons, là? Ils ont nommé 7 dons. On va se les regarder pendant quelques minutes. Ils nomment des dons et on peut les regrouper quasiment en deux dons, deux formes de dons. Il y a les dons de parole qu'on appelle puis les dons de service. Mais en même temps, on peut dire que c'est tous des dons de parole, c'est tous des dons de service. Parce qu'on est tous en train de servir les uns les autres. Mais il appelle le don de prophétie. Il dit celui qui a le don de prophétie doit l'exercer selon la foi. Il dit ça au verset 6. Puisque nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous est accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Y a-t-il ton don de traduction, là, que ce n'est pas le mot proportion qu'il y a là? En accord avec la foi. C'est une bonne... L'analogie de la foi, c'est toute la même chose. Donc, celui qui prophétise doit le faire selon la foi, selon ce qui a été donné. Ici, le prophète, ce n'est pas celui qui prophétise des choses nouvelles. Dans le Nouveau Testament, les prophètes... C'est quoi le mot prophète? On divise en deux. Pro veut dire quoi? Avant, OK? Le mot pro veut dire avant. Prophète, c'est quelqu'un qui est devant les autres et qui parle de la part de quelqu'un d'autre. Donc, un prophète se tient entre Dieu et les hommes et il parle aux hommes de la part de Dieu. Il parle aux hommes de la part de Dieu. Mais nous, ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu et nous la partageons aux gens qui nous entourent. Le prophète, c'est un proclamateur. C'est un proclamateur. Il va dire aux gens ce que Dieu a dit. Il va proclamer aux gens. Il va dire, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est un homme ou une femme, parce que les deux peuvent l'avoir, qui vont parler aux autres. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. C'est un prophète. Il est là pour dire au peuple de Dieu, voici ce que Dieu a dit dans sa parole. Si ce prophète-là ne parle pas selon l'analogie, ou ce prophète-là ne parle pas en accord avec la foi que nous avons reçue une fois pour toutes, selon Jude, ce prophète-là doit être arrêté. On doit l'empêcher de parler dans l'Église. S'il contredit la foi, on doit l'arrêter de parler. Donc, l'Église a un rôle envers la foi, envers le prophète. Parce que le prophète, s'il dit n'importe quelle connerie, le restant du corps va dire, ce que tu dis là, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, qu'il y a des fois, il y a 2 ou 3 ou 4 prophètes. Et les prophètes, entre eux autres, vont pouvoir se parler. Je me souviens quand j'étais à Montréal dans mes cours, une des choses qu'on aimait faire, c'est on s'assisait des fois 15-20 pasteurs ensemble. Puis là, on lançait quelque chose dans la gang. Et puis on disait, moi, je pense que la Bible a dit ça. Et mon ami, là, on avait toutes les réponses devant les... Il y en a qui disaient, ah, oui, oui, oui, la Bible ne dit pas ça. Puis là, on se mesurait les uns avec les autres. On pouvait voir si ce que je dis, ça vient-tu de la parole de Dieu ou ça ne vient pas de la parole de Dieu. Si tu es tout seul à le voir, peut-être tu te trompes. Peut-être tu te trompes. Mais si, normalement, tu devrais être capable de montrer par les Écritures ce que tu dis. Et les autres vont t'aider à voir que tu ne t'en vas pas dans une ligne croche tout seul. C'est dangereux que tu t'en aies croche. Tu es tout seul, tu vas t'entendre les croches. La tendance de l'Église, mes frères et sœurs, savez-vous c'est quoi? La tendance de l'Église, c'est de s'éloigner de la vérité. Vous avez bien compris? La tendance de l'Église, c'est de s'éloigner de la vérité. Étudiez l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. C'est toujours ce qu'a fait. C'est pour ça que les mouvements chrétiens meurent avec les années. Vous allez voir des mouvements comme les luthériens, comme les wesleyens. C'était des mouvements très, très évangéliques au 16e, 17e siècle. Ils sont devenus maintenant très libéraux. Ils ne fonctionnent plus maintenant. Ils n'enseignent plus la parole de Dieu. Ils se sont éloignés. Vous marquerez partout ce que vous avez passé. Étudiez l'histoire. N'importe quel mouvement, le mouvement baptiste aux États-Unis, est devenu très libéral en grande partie. Certaines églises baptistes aux États-Unis, je n'irai pas là. Je n'irai même pas avec eux autres. Parce qu'ils n'enseignent plus la parole de Dieu. Ils vont dire la parole de Dieu contient. La Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Mais elle contient. Donc, ils se sont éloignés. Jésus n'a pas fait de miracle autant que ça. C'est ses disciples qui ont dit ça. On s'est éloigné de la vérité. L'Église a tendance à s'éloigner. L'Église, ce n'est pas une bâtisse, c'est vous et moi. Donc, si on se met tout seul, on a tendance à s'éloigner. Il faut que le groupe nous ramène constamment. Wow, wow, François! Wow, wow! Mais discerner ce qui est bien et rejeter ce qui est faux. Il n'empêcherait pas de parler. Écoutez-les. Mais s'ils enseignent les choses fausses, rejetez ça. Donc, vous avez un rôle. Quand quelqu'un vous adresse la parole, vous devez discerner. Vous devez discerner. L'autre, il appelle ça au verset 7, un don de servir, que ceux qui servent le fassent avec joie, avec enthousiasme. Servir. C'est un don de servir, c'est probablement que tu vas plus agir que parler. Un don de servir. Tu vas aimer faire des choses pour les autres. Hein. Tu vas t'offrir pour les autres. Tu n'attends pas qu'on te demande quelque chose. Tu vas faire les choses pour le bien-être des gens. Pour ce que les autres veulent avoir besoin. Il y a différentes façons de servir les frères et sœurs. Mais tu vas voir les besoins. Souvent, il y a des gens qui vont dire... Ils vont dire, François, mais ça, on devrait faire ça. Mais j'ai dit, si tu l'as vu, probablement que c'est toi qui devrais le faire. Il y en a d'autres qui ne l'ont même pas vu. Si tu vois quelque chose qu'il y a à faire pour le groupe, fais-le. Ça ne donne rien d'en parler, de chialer, de critiquer. Lève-toi et va le faire. Va le faire. C'est un don de servir, lève-toi et va le faire. Offre-toi aux gens. Offre-toi autant à tout le groupe qu'individuellement, à chaque groupe, chaque personne, chaque foyer. Il y a des gens, il y avait un homme à Victoriaville qui était un menuisier de métier. C'était son métier, la menuiserie. Non, je ne devrais pas dire ça demain. C'était son passe-temps, la menuiserie. Son métier, c'était les bateaux. Et donc, il travaillait dans une manufacture de bateaux. Mais cet homme-là, quand il est venu au Seigneur, ça fait déjà 25 ans, je pense qu'il a réparé toutes les maisons de toute l'église à côté de part. Il aimait travailler de ses mains, il aimait servir les chrétiens comme ça. Fait que quand il allait chez vous, s'il voyait qu'il y avait le perron qui était en train de tomber, il allait le refaire. Il allait le refaire. Tu avais une porte qui grinçait, il allait la réparer. Tu avais besoin de déménager, il t'organisait ton déménagement. Il aimait servir les gens. Il aimait servir les gens. Puis après quelques années, il est devenu diacre au service de l'Église. Donc c'est lui qui dirigeait tous les ministères de service, c'est lui qui les dirigeait. Il était devenu le modèle à suivre pour les frères et sœurs. Il aimait servir. Puis il n'entendait jamais critiquer. Sur les gens. Puis il y a des gens qui. Oh, lui, là. Non, non. Il servait les gens. Il servait les gens. De toutes sortes de façons. Il ne pouvait pas servir avec dessiner. Il ne savait pas dessiner, mais il savait jouer du marteau. Il savait jouer du marteau. D'autres appellent ça le don d'enseigner. Donc, ceux qui aiment enseigner, partager la parole de Dieu. Ça, il y a une petite différence entre la prophétie, elle, va proclamer. L'enseignant va expliquer, va décortiquer, va faire des liens entre les différentes vérités. Il va essayer de te faire comprendre ce que Dieu a dit. Il ne faut pas juste le proclamer. Il va essayer de t'expliquer ce que Dieu a dit. Vous voyez la nuance? Il y a des nuances là, entre le proclamateur et l'enseignant. Il va t'expliquer, lui. Et la plupart du temps, les enseignants, c'est des gens qui aiment aussi étudier. Je dis aux gens, si tu arrêtes d'étudier, arrête d'enseigner. Parce que tu vas te répéter tout le temps. Mais si tu es un enseignant, la plupart du temps, tu vas aimer étudier. Ce n'est pas à cause que tu aimes étudier que tu es un enseignant. Il y a des gens qui sont capables d'assimiler, mais ne sont pas capables de transmettre. Il faut faire attention, la différence est là aussi. Nous qui ont le don d'encourager. D'encourager. Quand je parle, quand je dis ces choses-là, j'en vois d'entre vous. Dans ma tête, j'en vois des gens qui font ça. J'en vois des gens qui ont le don de servir. Je vous vois, je vous connais un petit peu maintenant. Je le vois faire. Il y en a qui ont une capacité, là. Et ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir qu'il y a des gens qui sont capables. Tu n'as pas besoin de rien dire. Ils sont toujours là en train de faire de quoi? Puis il y en a qui ont le don d'encourager. Moi, je n'ai pas cette grande capacité-là. Si tu pleures dans un coin, je ne suis pas le premier à aller te voir et te mettre le bras à l'entour du cou, je te garantis. Tu vas peut-être attendre un petit peu. Je vais finir par le faire. Si tu brailles assez fort, je vais finir par le faire. Mais je ne suis pas équipé mutuellement, naturellement, pour aller faire ça. Ma femme, elle pourrait vous en dire de quoi. Ma femme, ça tombait, je la regardais à terre, mais je ne me pliais pas pour la ramasser. Ça me figeait. J'arrivais pas. Un coup qu'il était relevé, j'étais capable d'y expliquer pour pas qu'elle retombe une deuxième fois. Voyez-vous comment je t'ai fait? Faut vous m'accepter comme je suis. Mais c'est bon de savoir comment on est, par exemple. C'est le fun de savoir comment on est. Parce qu'on ne se donne pas des coups sur la tête pour rien. Puis on ne se dévalorise pas pour rien. Il faut s'accepter comme Dieu nous a fait. Et même des fois, je vois des gens qui ont ces dons d'encourager-là, et c'est bon de les voir faire, d'aller mettre les bras autour des gens. Si tu pleures, ils sont là pour te consoler, ils vont aller te voir, ils vont t'appeler, ils vont te parler avec toi. Ils ont le don d'encourager. Il y en a qui ont le don de donner. Donc, il y en a qui donnent. Ils donnent des choses. Ils ne regardent pas si tu mérites qu'on te donne. Ils donnent. Il y a le don de libéralité. Ils donnent. Ils donnent librement. Ils donnent généreusement. Ils donnent. Si tu poses des questions avant de donner, peut-être que tu n'as pas le don de donner. Ceux qui ont le don de donner, ils donnent à ceux qui ont besoin. Ils donnent ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ils donnent ce qu'ils ont. Ils sont toujours en train de donner à quelqu'un. Je connais un jeune homme qui s'est converti. Il était cultivateur. Et il s'est converti et il a décidé qu'il vendrait sa ferme. Et quand il a commencé, ça faisait juste quelques semaines qu'il était sauvé. Il a vendu sa ferme et il s'est viré de bord. Il est venu voir les dirigeants de l'église où je travaillais. Puis il dit, je vais faire un don à l'église de 10 000 $ pour vous aider dans ce que vous faites. Qui avait dit ça? Pourquoi il a fait ça? Personne n'y a demandé, personne n'y a dit rien. Il l'a fait ça. Par après, il s'est acheté des maisons, il s'achetait une maison, il la réparait, il la revendait, le bénéfice qu'il faisait avec, il la redonnait à l'église. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. 20 ans. Moi, je le sais, parce que je travaillais dans la direction de l'église, mais il n'y a personne dans l'église qui sait ça. Tu ne mettais pas sur le bord de la rue et tu dis, hey, c'est moi qui lui ai donné cet argent-là. Là. Moi, je vais décider qu'est-ce qu'on fait dans l'église parce que moi, j'ai donné de l'argent à l'église. Non, non. Il donne. Il donne. Il donne partout. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars qu'il a donné maintenant à l'église, mais il fonctionne. Il a un don de donner. Quand il voit quelqu'un dans l'église qui a besoin, il va donner. Il n'est pas plus spirituel que les autres. C'est qu'un don qu'il a reçu. Dieu lui a donné cette capacité-là. J'ai reçu cette semaine un loader. Vous savez, c'est quoi un loader? C'est un chargeur, là. En anglais, on appelle ça un loader. J'ai reçu ça sur mon. J'en reçois un courriel, puis je vois un gros loader qui apparaît. C'est qui m'a envoyé ça? Là, je commence à regarder. C'est mon gendre. Mon gendre, la mécanique, c'est son fort. Mais j'avais parlé d'un homme qui s'appelait Letourneau. Un ami Letourneau qui faisait des gros bulldozers et des gros loaders qui s'appelaient Letourneau. Et ce monsieur-là, c'est un chrétien. Et pendant sa vie, à la fin de sa vie, il donnait 92% de tous les revenus qu'il faisait à l'œuvre de Dieu. C'est un monsieur Letourneau-là. Il avait fait un gros bulldozer, il dit, Seigneur, si tu le vends, je te donne 10%. Après ça, il en a fait deux autres. Seigneur, si tu vends les deux, je te donne 20%. Puis il a continué comme ça tout le temps de sa vie. À la fin de sa vie, il donnait 90-92% de tout ce qu'il faisait, ça allait dans l'œuvre de Dieu. Il avait un don de donner. J'ai couché sur un homme un jour, c'est un multimillionnaire, peut-être milliardaire, mais j'ai couché dans sa maison, j'ai jamais su qu'il était ça, j'ai su ça par après. Il y avait une petite chevette comme char. Il y avait une petite maison de 160 ans, propre, là, mais bien ordinaire. Mais cet homme-là donnait des millions et des millions et des millions par année à l'Église de Dieu. Vous savez, ce n'est pas nos 30 sous, des fois, qui font la différence. C'est ces grands hommes-là, ces femmes-là, à qui Dieu a donné des dons, de faire ça. J'ai connu un homme, je l'appelais, tout ce qui touche se transforme en or. Ce gars-là, il faisait quelque chose, puis ça marchait tout le temps. Mais il donnait tout ça au Seigneur. Tout ce qu'il faisait. Une fois même, il y a eu un accident, ça lui a rapporté 70 000 piastres. La soeur a donné 70 000 piastres, pouc, il l'a donné tout de suite au Seigneur. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Voyez-vous comment est-ce que les gens sont pareils? Parce qu'ils ont un don de donner. Ils ne sont pas plus spirituels. Dieu leur a donné cette capacité-là de donner au corps, pour que le corps fonctionne. Et là, il y a le don de diriger. C'est des gens qui vont prendre des personnes, 3, 4, 5, 8, 10, 15 personnes, puis ils vont les diriger à fonctionner ensemble. Ils ont une capacité de rassembler les choses, les personnages, pour les faire fonctionner en équipe ou encore, allez-y ensemble. Ils ont un don de diriger. On ne parle pas, c'est un don, quelqu'un qui a un don de diriger juste un agent ici, il peut diriger n'importe quoi. Il va avoir quelque chose à faire, vous allez voir, c'est le gars qui va commencer, parce que ça ne sert pas longtemps, tout le monde va travailler alentour de lui, puis il va donner des ordres à tout le monde. Parce qu'il a un don de diriger, il a une capacité. Puis les gens veulent être conduits par ça. Une fois, il y avait un homme qui avait dit une fois, il dit, François, il dit, quand tu conduis une troupe de soldats, c'est bien important de regarder en arrière si les soldats te suivent. Parce que si tu dis on charge, puis il n'y a personne en arrière, tu vas avoir de la foule un peu. Celui qui a le don de diriger, la plupart du temps, les gens veulent être dirigés par cette personne-là. Ils veulent, ils aiment ça. Ils vont s'assembler alentour, puis ils vont voir comment ça marche. Et celui qui a le don de miséricorde, donc ils vont faire du bien aux gens. Ils vont faire du bien. Ils vont aller voir les gens qui sont dans la difficulté. Ils vont aller les voir, puis ils vont essayer de les aider dans leurs difficultés, dans leur misère, hein, dans leurs problèmes. Ça peut être émotionnel ou physique ou matériel. Où est-ce que tu te vois là-dedans? Tu peux t'en voir, tu peux te voir à différentes places. Mais c'est quoi ton point fort? Hein? Essaie de découvrir cela. C'est quoi mon point fort? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime? Que personne n'a besoin de me pousser, personne n'a besoin de me pousser dans le dos. J'aime faire ça. J'aime ça. Pour faire ça pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est intéressant, vous savez, pour toutes ces choses-là là, qu'on vient de nommer, pour qu'on puisse le faire, il faut être ensemble. Tu ne peux pas exercer ton don tout seul chez vous. Puis je dirais qu'une des grandes difficultés de nos églises québécoises aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne se voient pas. Les chrétiens ne se fréquentent pas. On se voit le dimanche matin. Certains vont mettre leur don en application, mais dimanche matin, ça dure 1h30, puis on s'en va tout chez nous après ça, là. Mais si tu as le don de servir, quand est-ce que tu peux me servir si on ne se voit pas plus qu'une heure et demie par semaine? Une des grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui au Québec, c'est qu'on ne se voit pas. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous visiter, à vous inviter mutuellement. Et on devrait se donner ce défi-là, dire, bien, une fois par mois, une fois par deux mois, j'invite quelqu'un chez nous. Quelqu'un de l'Église, pour mieux le connaître et pour mettre mes dons à son service. Si vous vous rencontrez, si vous entendez parler de quelqu'un, dites, bien, moi, je vais aller l'aider. Il y a un besoin dans ce domaine-là, Ce frère-là, je l'entends parler, puis il y a une difficulté au niveau d'une doctrine, j'ai un don d'enseigner, je vais aller le voir chez eux. Je vais essayer de l'aider à bien comprendre cette doctrine-là. Tu as quelqu'un qui est découragé dans l'Église, va te mettre aux côtés si tu te donnes encouragement. Et encourage-le. On n'a pas besoin d'avoir un ministère organisé pour ça. Vas-y le faire. Vas-y toi-même. et que la parole de Dieu devienne vraie pour nous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Va pas à l'église pour recevoir. Va à l'église pour donner. Et tu vas trouver du bonheur. Si tu y vas pour recevoir, tu vas donner une sangsue. Et les gens donnent des pichenettes aux sangsues et ils ne veulent pas les avoir. Tournons-nous les uns vers les autres et dire, qu'est-ce que je peux faire avec mon don pour aider les autres? Faisons-le avec humilité. Peu importe le don que tu as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné. Utilise-le pour les autres. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci pour ces dons que tu nous as donnés à chacun de nous par pure grâce. On ne méritait pas ça. Ce petit groupe qu'on est ici ensemble, on est un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes interreliés. Plus qu'une famille. Plus que des voisins. Nous avons un lien qui est plus fort que les liens du monde. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Aide-nous à trouver notre place. Aide-nous à laisser la place que les autres ont. Aide-nous à ne pas envier la place des autres, mais de mettre en pratique ce que tu nous as donné pour le bien-être du corps, afin que le corps accomplisse son œuvre, l'œuvre de glorifier son Dieu. Bénis-nous, Seigneur, et que cette semaine, on puisse être des instruments de tes mains pour la gloire de ton nom. Amen.